Génération Manga, épisode 499 aujourd'hui, avec un invité qui va se présenter. Coucou. Coucou, je suis de retour, du coup. C'est Mouken. Voilà. Alors, est-ce que tu as fêté Halloween ? Oui et non, parce que je suis allé au rassemblement au Taku pour Halloween à Montjuset. Certes. Où tu étais présent aussi. Oui. Et sauf qu'après, je bossais, donc j'y suis pas resté longtemps. Et ensuite, je suis tombé malade, donc j'ai pas pu le fêter plus que ça. Donc voilà. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous, auditeurs et tristes, vous avez souhaité passer un bon Halloween. Vous avez mangé des bonbons, tout le tralala, déguisé en zombie, en machin, j'en sais rien. Donc effectivement, il y avait quelques petits trucs. Il y avait un Momi Manga, donc un concours de cosplay. Et le meilleur cosplay qu'il y ait eu, en fait, il n'était pas Momi Manga. Parce qu'en fait, quand j'étais devant dans la rue, j'ai vu passer un Deadpool qui était magnifique. Le gars était parfait, juste parfait en Deadpool, c'était un truc de ouf. Et seulement il a bifurqué, il est allé par l'autre rue et il est pas venu. Alors, je sais pas où il allait, mais en tout cas il allait déguisé en Deadpool, un Deadpool nickel. Alors peut-être que prochainement sur Clermont vous allez voir un Deadpool se balader, peut-être à la CGC, j'espère qu'il reviendra tout ça, parce qu'il était vraiment, mais juste parfait quoi. Ah oui, non, ce serait cool. Le costume nickel, un truc de malade, je te dis. Ouais. Sinon, au Players Bar, il y avait la première anniversaire de l'association Fan Corps aussi, donc qui a fait plein de quiz sur les trucs d'horreur, les films d'horreur, toutes ces sortes de choses. Domaine auquel je n'entends rien. Et toi, tu t'y connais en film d'horreur ? Non, le seul que j'ai regardé, c'est Silent Hill. Alors, c'est bien parce que ça venait d'un jeu vidéo, tu vois. Voilà, donc c'est un peu limité. Bon, on va rester un petit peu pour commencer donc, dans la thématique un peu Halloween, en vous passant le générique de Draculito, Monseigneur. Est-ce que tu connais Draculito, Monseigneur ? J'ai quel âge, à ton avis ? Ah, je sais pas, Draculito, Monseigneur, voilà quoi. Donc, voilà, toujours est-il que le générique, c'était celui-ci. Que la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière. Il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. Des pouvoirs surnaturels plein les poches. Il aurait vraiment de quoi contre les pétoches. Dans la galerie des horreurs, soyez donc. Imaginez donc ce que peut être la vie d'un adorable petit vampire d'aujourd'hui. De l'aventure, des histoires folles, voitures, laser et rock'n'roll. Little Drac, voilà. Bon, par contre, tu dois connaître SOS Fantôme. Oui, ça, je regardais quand j'étais mium. Donc, tu as vu les films, les dessins animés J'ai vu le premier film. Mm-hmm. J'ai regardé le dessin animé quand j'avais quoi, 5-6 ans. Ouais, The Real Ghostbuster. Oui, je pense que c'est celui-là. Oui, ça doit être celui-là. Celui qui est même que le film, quoi. Avec les mêmes persos, tout ça. Voilà, et bah, c'est tout. Alors, savais-tu qu'avant tout ça, il y avait déjà quelque chose qui s'appelait Ghostbusters ? C'est un produit Filmation. D'abord, il y a une série live, donc dans les années 60. 70, truc comme ça. Et donc les protagonistes des Ghostbusters, c'était pas les mêmes, c'était pas ceux des films. Hein. Et parmi les chasseurs de fantômes, tu avais un gorille. D'accord. Donc en fait, c'était un mec qui était déguisé en gorille, mais bon, voilà. Et quand il y a eu SOS Fantômes, les films, du coup, Filmation, qui avait fait cette série, s'est dit, mais dis donc, les Ghostbusters, c'est nous qui les avons fait avant. Donc du coup, ils se sont dit, on va montrer à tout le monde qu'on avait fait ça avant, on va faire notre dessin animé. Donc c'est le Ghostbusters de Filmation, que ça t'as pas dû voir, parce que c'est passé il y a longtemps en vitamine. Et c'est à cause de ça que du coup le dessin animé qui était tiré de Ghostbusters a dû s'appeler The Real Ghostbusters pour faire la distinction avec l'autre Ghostbusters qui était de suite Filmation mais qui était d'avant. T'as compris ? D'accord, oui. Voilà. Et donc la chanson donc de Let's Go Ghostbusters, donc ce truc là qui passait sur TF1 à l'époque, c'est ça. Rappelez-nous, en avant, Ghostbusters, let's go. nous honteux, ça nous fait marrer. On a plein d'astuces pour squeer les plus anabulus. On fait la guerre aux démons dans toutes les dimensions. Au volant de Ghostbuggy, les Ghostbusters, c'est Futura et DJ Kate Racing. Let's go Ghostbusters, let's go. Let's go Ghostbusters, let's go. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu mou, hein? Oui, c'est pas le genre de musique que j'écoute. Donc ah bah oui, c'est sûr. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est un vieux générique, machin. Donc voilà, c'était pour la thématique d'Halloween. Hein. T'as autre chose pour la thématique d'Halloween, toi, qui t'inspire, qui te dit quelque chose? Qui oui, alors, de façon saugrenue, parce que oui c'est pas tout à fait ça, mais on peut faire un petit rapprochement. Alors moi, c'est par rapport au dernier... Des Mohicans. Non, c'est pas ça. Non, pas le dernier des Samouraïs. Non plus. Non plus. tu veux retenter ta chance? Non, là, j'en ai plus, là, qui me viennent, là, tout de suite. Non. Donc c'était pour le dernier scan dernier de la classe de Bleach. Ah, tu me dis, là. Voilà. Non, le dernier scan de Bleach, donc on reste un peu dans la thématique vu que ça oui, y a des morts vivants, il y a des holos, des machins, oui, des... Voilà, c'est donc ça des démons, des anges, des voilà, donc tout le bordel, donc on reste un peu dans la thématique, la mort, tout ça. C'est bien. Donc non, c'est pour dire que j'ai été bien impressionné quand même du dernier scan, il était vraiment pas mal. Je dirais même, bon, j'hyperbolise un peu, mais je dirais même que rien que pour ce scan, il faudrait ceux qui n'ont pas lu le manga et qui n'ont pas regardé l'anime devraient s'y mettre. Alors, c'est chapitre combien, What Mill? Si je me trompe pas, c'est le 649. Voilà, 649. Ça, on fait, c'est un marathon à faire, mais. Non, et c'est vraiment bien. Alors là, je vais spoiler. Je pense que toi, tu t'en moques étant donné. Ah, complètement, j'aime pas Bleach, donc j'en ai voilà, rien à péter. Donc, bon, pour tous ceux qui aiment Bleach, vous en faites pas, je réglerai son compte à la fin de l'émission. Non, donc c'était pour parler du coup du dernier Bankai en fait qu'on voit. Donc pour là, je vais m'adresser un peu à ceux qui connaissent et ceux qui suivent. Donc du dernier Bankai qui est celui du nouveau capitaine de la première division. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est Kyoraku Shinsui. À tes souhaits. Oui. Shinsui qui ramène sa cheminée. T'en as combien encore des ah, je sais pas, je les compte pas, tu sais, moi, ça me vient naturellement, c'est comme ça, c'est automatique. Et du coup, le Bankai qui s'appelle Katen Kokotsu Kuromatsu Shinju, oula, j'ai réussi à le prononcer, je suis trop content. Ah, tu peux, hein, tu peux. Donc non, c'est... Mais en plus, ça rentre un peu dans la thématique d'Halloween, dans le sens où... Bah, au niveau du pouvoir, il marche un peu comme une pièce de théâtre, entre guillemets, vu que il ça marche se passe à la Vendée. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, ça fait comme une pièce de théâtre, en fait, parce que ces attaques se déroulent en acte. Et c'est vraiment sur le désespoir. Et au vu des graphismes, on se demande si ces chapitres ont été réalisés pour Halloween ou pas, parce que c'est vraiment glauque, macabre. Non, c'est... Enfin, je trouve que c'est rigolo que ça tombe pile au même moment qu'Halloween. C'est... Ouais, à mon avis, il y a peut-être une raison de cause à effet. Oui, voilà. Alors, pour rester dans les vieux trucs, parce qu'il y aura encore moins de parler, je vais maintenant passer le générique du Croque-Monstre Show. Alors, c'était quoi le Croque-Monstre Show ? C'était des sketchs en dessin animé, mais avec Dracula, avec Frankenstein, tous des petits monstres comme ça, des loups-garous, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'était dans les années 80, et c'était le Croque-Monstre Show ! C'est parti, Croque-Monstre Show ! Des vilains pas beaux ! Le Croque-Monstre Show, c'est des vilains pas beaux. Dans la vie, y'a rien qui nous ressemble. Au palais des horreurs, on joue à se faire peur. Il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit. Les sorcières qui s'amusent en cœur. Le lion sœur et la momie. Le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Dans la vue, c'est toi qui la partage. Et on va craquer, mais il faut t'accrocher. Et je sens qu'on va s'éclater. Un croque-monstre a dit, il n'y a rien dans la vie de plus chouette que d'être des glandules. On est bêtes et méchants et on croque là tout vent. Des glauques, des cloques et des pendules. Il y a la petite blonde qui est si jolie. Et des crapauds cracheurs de feu. Les trois gamins et la chauve-souris. Le dinosaure si fort mais malheureux. La momie a parlé, mais il faut l'arrêter. On ne peut plus compter sur elle. Elle cherche à tout moment le vampire insolent qui pourrait changer son ruban. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Na na na na na na. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partage. Il va craquer, mais il faut t'accrocher. C'est bon le croque-monstre chaud. C'est bon le croque-monstre chaud. Alors, qu'est-ce que t'en penses du croque-monstre chaud ? Bah là, en fait, là, je suis sûrement en train de penser à mon père qui écoute l'émission. À mon avis, ce soir, il va me déshériter tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, alors, tu sais que pour la petite histoire, donc le croque-monstre chaud, je ne te l'apprendrai pas. C'est pas une de mes chansons de chevet. Hein, je l'écoute rarement et donc je ne la connais pas par cœur. Donc, du coup, là, j'étais en train de regarder en même temps un karaoké sur YouTube. Donc, c'est très bien. C'est ce que j'ai vu. Oui. Alors, seulement le problème, les gars. C'est bien mignon de mettre un karaoké. Seulement, il y a un truc qui m'énerve, c'est que les gens, ils te mettent la parole au moment où ça le dit. C'est-à-dire que c'est trop tard. Tu comprends ? Si vous voulez faire un karaoké, il faut que vous mettiez les paroles un petit peu avant qu'elles aient lieu, parce que sinon, t'as pas le temps de les chanter, parce que c'est trop tard, t'as le temps que tu lises. Donc là, c'était le cas. En fait, t'avais les paroles au moment où ça chantait les paroles. Donc du coup, je pouvais pas te chanter le début, j'avais pas le temps. Eh ben oui, il faut être logique un petit peu, les enfants. Tu fais un karaoké, il faut que tu mettes les paroles un petit chouïa avant que ça soit à toi de les faire, parce que sinon, t'as pas le temps d'analyser ce qui est écrit et de le répéter. Le vieux sage a parlé. Voilà, voilà. Le sage a dit, le pardon est divin, voilà. Mais tu ne paieras jamais plein tarif pour une pizza en retard. Est-ce que tu connais les contes de la crypte ? Les contes de la crypte, ça oui, je regardais quand j'étais petit, ça me foutait la frousse. Eh oui, les contes de ce soir. Alors sache que les Contes de la Crypte, en fait, c'était un comic book à la base. Et donc la série que tu as vue, c'était des adaptations donc des 10 comics. D'ailleurs, en plus, on le sait, puisque le je sais même plus comment il s'appelle, enfin le monstre de la crypte, hein, celui qui te raconte tout ça, il ouvre des livres et tu vois effectivement la couverture du comic book qui correspond à l'histoire de ce soir. N'est-ce pas ? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc ça, c'était Halloween. Nous, on change un petit peu de sujet parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler la semaine dernière, mais malheureusement, nous avons perdu quelqu'un d'important, même si on le sait pas. C'est que je ne te l'apprends pas. Donc, quand il y a des génériques de dessins animés, bon, bien sûr, il y a l'interprète que l'on connaît ou pas. Il y en a certains qu'on sait toujours pas qui c'est qui a chanté. Bon, bref. Après, t'as celui qui fait la zik, hein, forcément, qu'on peut éventuellement connaître ou pas là aussi. Et puis, t'as le parolier. Dans la plupart du temps, on se fout complètement. Sauf quand c'est Paul Persavon, parce que Paul Persavon, en fait, c'est Antoine de Caunes en vrai. Et donc, il avait fait les paroles de quelques génériques, et on s'en souvient surtout parce qu'il avait écrit des conneries, en l'occurrence, d'un générique. Surtout Cobra. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Le pire, c'est l'Empire des Cinq. Il y a des conneries quasiment à toutes les phrases. Bref. Mais donc, dans les paroliers, on sait qu'il y a Jean-Luc Azoulay aussi, du Club Dorothée. C'est lui qui faisait les paroles de tous les génériques d'AB Productions, tous les trucs du Club d'eau, donc c'est lui. Tous les trucs qui se ressemblent. C'est ça. Donc, quand tu veux rouspéter, ouais, d'avoir héros de l'univers, défenseur de la Terre, on connaît, c'est à Jean-Luc Azoulay, sous le pseudonyme de Jean-François Pourri. Jean-François Pourri. En fait, il voulait s'appeler Pourri, mais c'est les gars de la SACEM qui ont mal lu et qui ont écrit Pourri. Donc voilà, mais il voulait écrire Pourri. Hein. On comprend pourquoi Pourri. Maintenant. Voilà, au moins il a conscience de ce qu'il donne comme boulot, c'est bien. Et donc c'est à lui qu'il faut se plaindre, hein, sur la redondance des paroles ou ce genre de choses. Mais il y en a un par contre qui faisait bien son boulot et que les gens connaissent pas, c'est Charles Level. Parce que Charles Level, lui, il a essentiellement fait sur les génériques de la 5 par exemple, les Olivier Tom, les Jeannette Serge, tous ces trucs-là, où il y a, faut avouer, pas trop de conneries, ça va. Et donc Charles Level, malheureusement, nous a quittés récemment. Et donc, je voulais lui rendre un petit hommage, bien sûr, parce que c'est quand même... Et c'est en plus quelqu'un qui ne faisait pas que des paroles, il chantait aussi, figure-toi. Mais il y a fort longtemps, autant jadis de naguère. Donc, nous n'étions pas nés, ni vous, ni nous. À l'époque où Jacques Brel était encore en vie, c'est ça ? Oui, sûrement, largement. Enfin, pour te dire, les archives qu'on a sont en noir et blanc. Déjà, ça peut te donner une idée du truc. Ah oui. Donc, voilà. Et donc, je crois que j'avais l'occasion d'en parler du reste. Et donc Charles Level, donc, il avait écrit des tonnes de paroles françaises. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les génériques de la 5, en fait, nous venaient d'Italie. Donc, on récupérait les génériques italiens. Et Charles Level ne faisait pas spécialement des traductions de l'italien, mais il mettait des paroles françaises sur des musiques italiennes, pour être plus juste. Et en plus, ça ne correspondait pas forcément au même dessin animé. Par exemple, Olivier Tom, en Italie, c'est la troisième saison de Lupin 3, donc Edgar de la Cambriole. Donc autant dire que ça n'a rien à voir avec du foot. Et il y a d'autres trucs comme ça, par exemple, Wish Kid, en français, c'est la musique en Italie de Zorro. D'où le fait que dans Wish Kid, tu entends des hennissements de cheval et des coups de fouet. Qui vont très bien avec Zorro, mais qui vont pas du tout avec Wish Kid, là, pour le coup. Donc voilà, c'est un petit peu con. Et c'est pareil, Angie, détective en herbe, tu entends des chiens aboyer dans le générique, alors qu'il n'est pas du tout question de chien, puisque c'est une petite fille qui se prend pour une détective. C'est parce qu'en Italie, c'est le générique de Cubitus, qui lui est un chien. D'accord. Voilà. Donc là, tout d'un coup, ça devient normal. Néanmoins... Il y a quand même quelques cas où c'est la même. Jeanne et Serge, par exemple, c'est aussi sur Jeanne et Serge en Italie. Sauf qu'elle s'appelle pas Jeanne, forcément. C'est un nom italien que j'ai bouffé tout de suite. C'est Machin et Chilo. Donc, je ne sais plus le nom. Enfin, bref. Et il y a aussi des petites curiosités. Par exemple, Pollyanna. Dans le générique français, tu entends quelle famille ? Et en fait, tu dis, mais il n'y a pas tout question de famille. Pourquoi ? D'où ça sort ? C'est parce qu'en italien, le générique auquel ça correspond, que je n'ai pas en tête tout de suite, c'est Family, Family, nanana, Family. Donc, du coup, il a gardé famille. Voilà, bon, il peut y avoir un petit peu des trucs comme ça. Donc, notre ami Charles Level, qui avait aussi officié avant la 5, parce qu'il a entre autres écrit les paroles françaises de Candy, par exemple. D'accord. Le tout premier au pays de Candy, tralala. Oui, si, je la connais, je vais pas vous la faire, c'est tout. Et donc, voilà. Donc, je voulais faire un hommage malheureusement à Charles Level, voilà, oui, oui, n'est-ce pas. Donc, du coup, je me dis qu'on va se mettre un petit générique de la 5, comme par exemple Charlotte. Mais on reste quand même dans la thématique, vu qu'il est mort, c'est... Et c'est pas con, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais puisqu'on est à Halloween, t'as raison, c'est ça. Bah écoute, on va rester après. On va se mettre un petit peu de baume au cœur, parce que Charlotte, c'est quand même un générique entraînant, qu'on s'écoute. Et donc du coup, je vais chanter dessus, et toc. C'est C'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. C'est Charlotte qui cache la tendresse en réclamant sans cesse l'amour de sa maman. Qu'elle revienne, douce et tendre, qu'elle revienne pour me prendre. Mais Charlotte serre les poings de rage, car elle a du courage, elle sèche ses grands yeux. Elle espère qu'après les jours d'orage passeront les nuages et que tout ira mieux. Qu'elle revienne, douce et tendre, qu'elle revienne pour me prendre. Et quelquefois quand elle rêve, elle a au fond de son cœur un arc-en-ciel qui se lève et fait sa vie en couleur. Charlotte qui veut croire à la chance sait bien que l'espérance fait gagner les combats. C'est ce qu'il faut être moins triste, que les miracles existent toujours quand on y croit. Mais quelquefois quand elle rêve, elle voit au fond de son cœur un arc-en-ciel qui se lève et fait sa vie en couleur. Qu'elle revienne, douce et tendre, qu'elle revienne pour me prendre. Je te sens dubitatif là-dessus. Alors tu vas l'être encore plus, puisque maintenant on va s'écouter le fameux Angie Détective en Herbe dont je te parlais précédemment. Qu'est-ce que je t'ai dit sur Angie? Hein? C'est ça? Quoi? C'est avec les chiens, c'est ça? Oui, c'est avec les wouf wouf des chiens. Tout à fait, Cubitus. Alors, tendez bien l'oreille et écoutez Angie Détective en Herbe, vous allez entendre... Un jour par aventure, Angie poursuit la trace d'un bandit. Le prit en filature et le fit arrêter par les bogies. Depuis quoi qu'il arrive, quand il y a quelque chose de suspect, elle joue au détective pour traquer les gens. Elle est futée. Elle a un flair terrible quand elle part sur la piste d'un voleur ou quand elle prend pour cible les pickpockets et tous les maraudeurs. À Buckingham Palace, elle fait la lumière dans le brouillard. Elle est plus perspicace que Mr. Sherlock Holmes et Scotland Yard. Écoutez bien. Angie, Angie, c'est une petite policière. Angie, Angie, le court après tous les filous. Angie, Angie, c'est le meilleur ligné d'Angleterre. Angie, Angie, elle le met tous les méchants au trou et derrière les verrous. Un jour par aventure, Angie suivit la trace d'un bandit, le prit en filature et le fit arrêter par les bandits. Depuis quoi qu'il arrive, quand elle voit quelque chose de suspect, elle joue au détective pour mener son enquête et l'effuter. Angie, Angie, c'est une petite policière. Angie, Angie. Et le cours après tous les filous. Angie, Angie, c'est le meilleur limier d'Angleterre. Angie, Angie, elle met tous les méchants au trou. À Buckingham Palace, elle fait la lumière dans le brouillard. Elle est plus perspicace que Mr. Sherlock Holmes et Scotland Yard. Angie, Angie, Angie, c'est une petite policière. Angie, Angie, elle court. Angie, Angie, c'est le meilleur limier d'Angleterre. Angie, Angie, elle met tous les méchants autour ou derrière les verrous. Eh oui, Angie, Angie. C'est pas terrible après le dessin animé Angie. Non, mais rien que la chanson, ça me laisse un aperçu. Mais c'est pas forcément représentatif, parce que comme je te dis, c'était un générique composé pour Cubitus à la base. Donc voilà. Donc après, on sait pas. Hein. Alors par contre, ça parle un petit peu plus aux gens. Là, c'est toujours Charles Level qu'on doit les paroles, bien sûr, de Crémy. C'était une Magical Girl. Tu connais les Magical Girls? Oui, et je connais Crémy, oui. Et tu connais Crémy? Alors parle-nous de Crémy. Ne m'oblige pas à me rappeler les pires années de ma vie, s'il te plaît, où non. Je regardais les Magical Girls. Ah oui, ce genre tu de... as regardé les Magical Girls. Comme tout garçon à 8 ans, ouais. C'était la seule forme de voyeurisme à l'époque qu'on nous laissait faire. Alors. Ah, d'accord, ok. Allez, Crémy, chanté par Valérie Barouille. Allez, hop. You est une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclair et c'est tout. Et Crémy va chanter pour vous. Pampulilu, pouvoir magique. Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel. Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Sinon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Chantal, c'est ma rivale. Et j'aurais bien du mal, car il y a des surprises dans le monde du showbiz. Jingle et la Uri travaillent jour et nuit. Ils ont confiance en moi et j'ai la chance au bout des doigts. Pampulilu, pouvoir magique. Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel. Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Sinon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Pampulilu, pouvoir magique. Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampulilu, du haut du ciel. Pampulilu, l'étoile veille. Mes deux amis, Sinon et Sissi, sont mes compagnons de folie. Le pouvoir magique. Alors sachez que Valérie Barouille et Michel Barouille seront en concert à Japan Tour, qui se passe donc à Tours, le 19, 20, 21 février prochain, entre autres choses. Et puis bien sûr, le super concert au Grand Rex le 16 avril, mais on aura l'occasion d'y revenir, bien entendu. Alors je voulais attirer votre attention sur un nouveau dessin animé, un nouveau manga qui va sortir, ça s'appelle One Punch Man. Est-ce que vous pouvez regarder en streaming le premier épisode, ce dont j'ai fait, ce que j'ai fait. Alors c'est assez spécial comme truc parce qu'en fait, le gars, donc comme son nom l'indique, One Punch Man, en fait, c'est qu'il arrive à vaincre ses adversaires en un seul coup. Donc il donne un coup, c'est torché. Alors il faut voir les adversaires, c'est des trucs pas possibles, c'est une espèce oui, il y a des hommes crabes, des choses comme ça, parce que j'ai pas regardé le streaming du coup, mais je m'y étais intéressé via une émission sur YouTube et j'avais regardé certains scans. Et c'est pas mal parce que du coup, alors j'ai pas regardé le streaming comment ils ont fait, mais le dessin qui était sur internet en fait, t'avais limite l'impression déjà que c'était un dessin animé. Et ça c'était sympa en fait, parce que t'avais un découpage hyper dynamique. Mmh. Et ça c'était cool. Et après j'ai pas regardé l'anime et vu comment c'était, mais déjà rien que... je pense qu'ils ont repris le synopsis du mec qui s'entraîne tellement qu'il perd ses cheveux. Déjà, ça, j'avais trouvé ça complètement barré. Donc... Ah, c'est très perché, tu devrais adorer. Moi, je suis un petit peu dubitatif. C'est sûr, je me suis pas fait chier à regarder le premier épisode, tu vois. Mais je trouvais ça space quand même. Hein. Franchement, le monstre crabe et tous ces machins. Monstre crabe en slip en plus, je tiens à préciser. Histoire que ça en rajoute bien. Je pense que c'est une référence à South Park. Peut-être, mais enfin, c'est très perché. Les adversaires sont vraiment plus que Zarbi. C'est un truc à jeter un œil, ma foi. Après, vous voyez si vous accrochez ou pas. Mais, moi, je suis dubitatif. Mais après, c'est que le premier épisode. Mais s'ils partent vraiment comme dans le manga, on va voir toute la. Comment dire ? Toute la comparaison entre le monde des super-héros et le monde du travail japonais où il a voulu s'en tirer parce qu'il trouvait que c'était trop opprimant et il va se rendre compte que... Bon, je spoil un peu, mais il va se rendre compte que bah, le monde des super-héros, c'est pas mieux, quoi. C'est que, comment dire, de la... Ah, c'est que de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. C'est que de l'amour, c'est génial. Non, je dirais pas ça. Non, mais c'est que du pistonnage et des genres de choses. Genre, il faut être fils d'eux pour y arriver. Et en ça, c'est un peu sympa. Après, c'est vrai que l'histoire est un peu barrée en elle-même. En un coup de poing, battre un crabe mutant ou un astéroïde qui tombe du ciel, c'est pas... Ouais, c'est space. C'est bizarre. Alors, jetez un œil, faites-vous votre avis, ma foi. Je ne peux dire autre chose. Alors, bien sûr, toujours sur notre ami parolier Charles Level, il a bien entendu aussi écrit donc, les chansons de Crémy et de Lucie L'Amour et Rock'n'Roll, les chansons des Beehive. Tout ça, c'est lui en français aussi à qui on les doit. Donc, on va se faire une petite chanson des Beehive alors. Hein. Alors, baby, tu n'as de tout le sourire. Baby, tu vas manger. Baby, tu as toujours le sourire. Baby, un sourire qui me fait rêver. Baby, dis c'est pour qui ce sourire. Baby, si c'est pour moi je le savais. Baby, toi tu as le regard qui brille. Baby, une lumière au fond des yeux. Baby, si tu me dis ce regard qui brille. Baby, si c'est pour moi je suis heureux. Tu es ma seule amie, je n'aime que toi. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et j'ai le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Sourire. baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Moi je t'aime baby. Fire. Alors, tu t'enjailles un peu tout seul là. Quand ah ouais, alors bah, moi je fais comme si j'étais pas là. Ah bah, j'ai bien remarqué. Alors ça va te rassurer, on va parler un petit peu de mythologie. Ça te botte ça? Ah ça je préfère déjà. Ah tu vois j'en étais sûr. Donc parle-nous un petit peu dans le thème Halloween avec les déguisements et tout. C'est ça. Ah, t'as vu, je suis trop fort. Et tout ça c'est de l'impro. Hein. Alors tu me parlais tantôt de mythologie amérindienne, tu m'intéresses. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu sur la mythologie amérindienne? Dis-moi, Bioman. Là, tu me prends en cours parce que je t'ai juste parlé d'astrologie amérindienne. Oui, bah aussi, je ne connais oui. pas trop sur le monde amérindien. Genre, je dois juste connaître mon signe et deux, trois autres signes. Alors, mais, qu'est-ce qu'il y a comme signe en l'occurrence là, puisque tu alors, moi, je suis Castor, par exemple. Et moi, je suis Pollux. Bonjour, enchanté. Enchanté, je suis Saga des Gémeaux. Voilà, c'est ça. Voilà, Castor et Pollux, non pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Non, moi, Loulou. Enfin, bref. Donc, moi, par exemple, je suis Castor. Donc, les Castors, c'est du 20 avril au 20 mai. Qui font les barrages? Non, j'aime pas. Tu as des castors, c'est comme mais... le taureau, c'est de telle date à telle date. Oui, j'entends bien, je sais, oui. Alors, après le castor, on a le cerf. Oui, qui brame. Voilà, c'est... Alors, ah, ça, c'est les périodes de rut, ça. J'ai... Pof, ouais, voilà. Tu me déconcentres, bah oui. C'est horrible. Toujours est-il que, en fait, les quatre plus importants signes... Enfin, un peu comme nous, tu sais, t'as des signes qui sont plus importants que d'autres. Genre, il y en a qui préfèrent être scorpion que. Oui, parce que ça a plus la classe. Ou... Oui. Voilà. Bah, ceux qui ont la plus la classe chez les Amérindiens, c'est l'aigle, le loup, le cerf et le castor. À castor, c'est classe, ça. Alors, c'est quoi les trucs pas classe dans ce cas? La poule, le cochon, la le dinde. Le pivert, le saumon. Le pivert, le saumon. L'oie. L'oie, ah oui, aussi. Ça fait classe. Alors après, il y a quoi l'oie. D'autre comme signe? Parce que là, j'en ai dit pas mal. Normalement, il y en a 13. Ah donc, aussi. Ah oui, forcément. Voilà. C'est sur le même principe. Comme chez nous, sauf que bah, chez sauf nous, que les abrutis nous ont enlevé le serpentaire. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a mais cela. Mais c'est que eux, à la place de ce qu'on voit, quand on voit un scorpion, par exemple, eux, ils voient une oie. Dans les étoiles ou ça n'a rien à voir? Non, alors ça, je ne sais plus si ça voir quelque chose ou pas, je pense. Donc mais je suis. De toute façon, comme l'astronomie changeait d'une région à une autre, hein, vu que en Grèce on avait nos belles constellations avant qu'arrive la machine pneumatique. Oui, entre autres. En Chine, pendant ce temps, ils avaient le soldat noir, la louche, la tortue la louche. Noire. Oui, ils avaient la louche et la cuillère. Ah oui, c'est intéressant. Ils pensent à bouffer. On peut bien se foutre la gueule des autres après. Voilà. Donc voilà, et donc il y avait ces signes-là. Donc, ah, il y avait aussi. Voilà, donc je vais essayer de tous les ressortir, mais je suis pas sûr. Donc du coup, j'ai dit castor, Pollux. Loup, ouais. renard, sacré pan. Renard, je ne sais pas, je crois bien, mais je suis pas sûr. La loutre. Oui, la loutre. Ah, je suis trop fort. La loutre, le phoque. Le pivert. Le phoque, non. Oh, bah alors. Le saumon, enfin voilà. La truite. Après, on peut tricher. Ah, on peut regarder sur internet. On peut aller voir pendant la musique alors. Voilà. Et on en reparlera après et je parlerai d'autres légendes amérindiennes après. Ouais, quand tu seras bien arrivé sur Wikipédia. Non, juste pour ça, après je sauverai mon cafouillage d'une autre légende amérindienne. D'accord. Et ben on va écouter on va retenir la mythologie grecque pour la petite Olympe et les dieux, c'est aussi un dessin animé qui passait sur la 5 et donc aussi Charles Level aux paroles donc. Et toujours Claude Lombard au chant bien sûr. Pas Leclerc au chant, hein. Gna gna gna. Non, mais je suis en forme ce soir. Allez, la petite Olympe et les dieux pendant qu'il va tricher sur Wikipédia. Je m'appelle Olympe et je suis la fille d'Apollon. Et tous les jours je grimpe le mont qui porte mon nom. Là où les déesses font la fête avec des tas de dieux. Au nord de la Grèce, et je n'en crois pas mes yeux. Il y a un dieu pour tout, pour faire la paix ou pour faire la guerre. Il y a un dieu pour tout, et toi aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut y croire à ces légendes et à toutes ces histoires. Mais il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Avec Aphrodite, on connaît bien les choses de la vie. Vite à nourrir le toujours Narcisse, on pourra toujours se trouver beau. Et Dionysus triste dans son vin ne laisse pas d'eau. Y'a un dieu pour tout, pour faire la paix ou pour faire la guerre. Il y a un dieu pour tout, et toi aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut y croire à ces légendes et à toutes ces histoires. Mais il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Il faut y croire à ces légendes et à toutes ces histoires. Mais il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Alors, ce qu'on remarque aussi, en particulier avec les Ginecs de la 5, c'est qu'ils sont très longs. Parce que chez AB, on ne se cassait pas beaucoup la marboulette. Hein. En général, les Ginecs, ils font 2 minutes 30, grosso merdo. Oui, et puis c'est toujours la même chose. C'est ça. Alors que sur la 5, ça fait plus volontiers 3 minutes 30, 4 minutes, tu vois. Et puis en plus, déjà, les versions courtes télé, elles étaient déjà plus longues que les versions courtes télé de chez AB. Pour gagner du temps, un truc. Mais les Italiens, ils aiment bien mettre des génériques très longs, déjà rien que de trucs. Alors du coup, les Amérindiens et leur astrologie, nous avons trouvé ce qui manquait au palmarès. Voilà, donc on va refaire en partant du castor. Hein. Donc le castor, c'est l'équivalent du bélier Non, le castor, c'est l'équivalent du taureau. Donc eux, ils commencent à la deuxième maison. Voilà, mais d'ailleurs, vu qu'on parle de maison, ce serait rigolo d'imaginer un Senseiya version amérindien. Ouais, bah allez, chiche kebab. Voilà, il faudrait qu'on trouve un dessinateur et on fait un pari dans un an. Allez, l'appel est lancé. Vous, auditeurs de Génération Manga, nombreuses et nombreuses, faites-nous ça. Faites-nous des maisons des signes amérindiens. Imaginez que les cheveux... avec des armures d'or. Les armures aussi, elles cachent. Même pas, on va rester dans le thème précolombien, on veut des armures. Attention, je lance le truc, j'ai perdu le mot. Merde. Ah bah si tu sais pas ce que c'est. Ouais. On enverra un message. Quand ça te reviendra, tu nous le diras. Voilà. Hein, des armures d'obsidienne, voilà. D'obsidienne. Voilà, on veut. C'est quelle couleur ça? Il y a une couleur, il y a un truc. C'est gris anthracite. Voilà, donc vous nous faites des chevaliers gris anthracite. Voilà. Donc du coup, on a le taureau, donc le castor, les gémeaux, le cerf. Donc il nous faudra un saga des cerfs. donc des cerfs ensuite, glacés. Pour le cancer, on a le pivert. Normal. On reste dans les rimes. Ensuite, pour le lion, on a l'ours. Ouais. La vierge, on a le corbeau. Mm-hmm. Enfin, corbeau, c'est plus balance, mais c'est... Voilà, je me perds un peu aussi. Uh-huh. Donc, ensuite, on a le serpent, le scorpion. Pour le sagittaire, on a la chouette. Chouette. Ou pour le serpentaire, plutôt. Pour l'oie, donc... L'oie. Sa mère l'oie. Voilà. Le sagittaire. Ensuite, on a la loutre, le loup et l'aigle. Voilà. Et pour me faire pardonner de ça... Mon incompétence. Voilà, de mon incompétence, vu qu'on reste un peu dans les clins d'œil à Senseiya. Sais-tu que dans Senseiya Omega, donc le Dragon Ball GT du Senseiya, ça fait mal aux yeux. Voilà, savais-tu qu'il y a eu l'un des chevaliers d'or, donc le chevalier d'or du cancer, Schiller, prenait son nom non pas de Shredder, hein, comme certains auraient pu le penser, non moi, mais d'un astronome allemand qui était pote avec Johann Bayer, à qui on doit certaines constellations encore aujourd'hui dans le ciel, comme la constellation de l'Indien. Et Julius Schiller, lui, trouvait que le ciel était trop païen, les constellations étaient trop païennes, et il s'était donné pour mission d'évangéliser le ciel. Donc il avait donné, par exemple, les constellations boréales avaient des noms de personnages du Nouveau Testament. Les constellations solaires, c'est-à-dire les 13 constellations solaires dont j'ai pas besoin de les dire, je pense que tout le monde les connaît. Oui, ça va. C'était les 12 apôtres, vu que bien sûr ils avaient enlevé le serpentaire qui est devenu Marie-Hélène et la Croix, au lieu de Ophiuchus et le serpent. Marie-Hélène et la Croix. Oui, voilà. La croix WC, Javel. La Sainte Croix, quoi. De toute façon, ouais, d'accord, ne croisez pas les effluves. De toute façon, c'est pas resté bien longtemps, hein, on comprend pourquoi. Et le ciel austral, lui, avait des noms de personnages de l'Ancien Testament, et d'ailleurs l'Indien de Johann Bayer était devenu Job. Voilà, c'était pour la petite histoire. Job, d'accord. Ou le vaisseau Argo, par exemple, était devenu l'Arche de Noé. Mm-hmm. Ergo, qui maintenant, c'est les poupes, la carène et les voiles, pour ceux qui sont fans à fond de Senseiya. C'est l'Argo Winch, non? Non, ça n'a rien à voir. Ok. C'est tout ce que tu avais à nous dire là-dessus. Oui, et j'avais dit que je me ferais pardonner avec une autre histoire amérindienne que je connais par cœur cette fois-ci. Ah bah alors vas-y, balance. Y en a qui doivent connaître ça grâce aux comics, ou même grâce à des émissions qui a décidé un peu d'en parler, ou même à la série Teen Wolf où ils en ont fait une brève apparition, c'est le Wendigo. Alors le Wendigo, je connais le Wendigo, il est chez Marvel, il y a le Wendigo. Hulk a affronté le Wendigo. Wolverine, sa première apparition, a affronté le Wendigo. Parce qu'en fait, Hulk et Wendigo étaient en train de faire un combat quand Wolverine est apparu pour la première fois. Voilà, alors le Wendigo, à la base, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. C'est l'espèce de gros Yeti blanc. Eh ben non, à la base, le Wendigo, c'est pas ça. À la base, le Wendigo, c'est un peu l'équivalent chez nous du loup-garou. D'accord. Et comment on devient un Wendigo? Un lycanthrope. Pas vraiment, parce qu'il a des cornes de cerf aussi. Donc, mien, il n'a pas ça. Ouais. Donc c'est un petit plus, tu vois. D'accord. Oui, non, le Wendigo de chez Marvel, ça ressemble à un gros monsieur bien qui n'est pas allé chez le coiffeur depuis longtemps. C'est ça, blanc. Voilà, tout blanc, limite chromé. Et donc le Wendigo, en fait, comment on devient Wendigo? Parce qu'un lycanthrope, il faut se faire mordre par un autre lycanthrope. Un lycanthrope alpha, même si on va dans le fin fond de ce qu'ils nous écrivent dans les livres, vu que maintenant on trouve des livres de lycanthropie et tout ça à la FNAC, oui, qui sont bien sympas d'ailleurs. Eh ben, en fait, pour devenir un Wendigo, c'est encore plus simple. Il vous suffit de manger quelqu'un. Un jour, je deviendrai un Wendigo. Voilà, et ben, il faut manger quelqu'un. Je bouffe tout le monde. C'est ça. Ouais. Parce que le Wendigo, en fait, c'est en devenant cannibale qu'on en devient. Et il y a un signe très simple pour en repérer un quand il se cache et qu'il a apparence humaine, c'est qu'il a les yeux rouges. Alors, c'est très simple, il peut très facilement se cacher dans une convention de cosplayer, hein, il fait semblant qu'il a des lentilles, on le prendra pour Sasuke, mais c'est pas grave. Et donc, le Wendigo, en fait, est tout le temps rassasié, mais il a toujours faim. Bah, s'il est rassasié, il a pas faim, du coup. Et justement, c'est un cycle vicieux éternel. Il mange plus, il est rassasié, mais dès qu'il est rassasié, il a faim. Admettons. Paye ta classe amérindienne. Oui, oui. Là, je crois qu'ils ont un peu trop forcé sur le canumet de la paix pour cette histoire. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais ah bon, vu que je voulais me faire racheter par les futurs chevaliers d'obsidienne qu'on attend avec impatience. Je voulais me faire racheter par Disney, mais ils n'ont pas voulu de moi. Voilà, ils de toute façon ne me connaissent pas, donc... Mais c'est pour ça. Mais voilà, donc moi je relance l'appel pour les chevaliers d'obsidienne, si vous êtes là... Voilà, si ça vous prend hein, de faire un petit truc là-dessus, allez-y! Envoyez ça sur la page d'Eddie. Voilà, c'est ça, sur Archangel Eddie sur Facebook ou sur la page de Génération Manga. On n'est pas des sauvages. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'entendre Nos années Dorothée que j'ai passées quelques fois à la radio. Donc, c'est notre ami Lorenzo MPC qui fait ça. Et ça y est, il a sorti en CD single en fait. Donc vous pouvez acheter le CD single, c'est là où je voulais en venir. Donc vous allez sur sa page, Lorenzo MPC ou MLF, machin, ou vous me demandez sur ma page, je vous dirai quand ça coûte 3 euros plus 1,99 euros, plus 1,99 euros de frais de port. Donc ce qui nous fait un total de 595 francs. 595 francs et pour 4,99 euros, vous pouvez avoir le single de Lorenzo MPC. Et si vous savez pas ce que c'est que Nos années Dorothée, c'est ça. Yeah, Nos années Dorothée, dédicace à Jackie, Ariane, Patrick Corbier, Eric Framboisier Minet, Rémi Papironnet, et bien sûr Dorothée, nos meilleures années. Au club Dorothée, on se rappelle de son refrain qui a bercé nos années. On rêvait chez l'école comme Tom Sawyer. Avoir une voiture comme Mask ou Trans, on meurt. Être un chéri de l'espace comme Xor. Aventurier comme Esteban et Cité d'Or. Découvrir qu'il était une fois l'homme. Partir avec les oies et une seule garçonne. On voulait être un privé comme Nicky Larson. Une star du foot comme Marc, Olive ou Tom. Un enfant héros tout comme Astro. Entrer dans la bande armée de G.I. Joe. On suivait les déboires de Calimero. Les mésaventures de Chao et Grotto. On rêvait des Tractarus, pilote des Goldorak. Avoir une armure des chevaliers du Zodiac. C'est nos années Dorothée, on s'est bien amusé. On a tous un jour rêvé de rentrer dans la télé. Car c'est nos années Dorothée. Ce morceau vous est dédié à vous les nostalgiques de ces années. On rêvait de grandir dans l'île aux enfants. Jouer dans Pas de pitié pour les croissants. D'explorer la flore avec Maya l'abeille. D'être Hugo, dirait Juliette, je t'aime. À bord de Pumano, du San Kukai. Sauver la terre avec Jess, le capitaine Flamme. On suivait les combats des Cosmocats. Les péripéties, les sommes signées 4-6. On rêvait de présenter Téléchats. Faire partir d'un banc des entrechats. On voulait la classe, le charisme de Cobra. Comme compagnon des devants ou Booba. On riait des gaffes de gadgets Scooby-Doo. Du capitaine Caviar dans Kung Fu Fou. On rêvait d'étudier au collège Fou Fou. Chercher les Dragon Ball, Sonia du sang. C'est nos années Dorothée, on s'est bien amusé. On a tous un jour rêvé de rentrer dans la télé. Car c'est nos années Dorothée. Ce morceau vous est dédié à vous les nostalgiques de ces années. Les filles pleuraient devant Princesse Sarah. Voulaient le charme et la force de Shira. Rêvait du prince des collines comme Candide. Magie avec Gigi, liberté avec Heidi. On découvrait la France avec Happy et Rémi. La biologie d'île était une fois la vie. La mythologie avec Ulysse 31. La leçon d'amitié de Belle et Sébastien. On suivait les matchs de Jean Azuki. Spartacus dans les monts engloutis. On voulait des amis comme les bisounours. Amusant comme les schtroumpfs, les mini-pousses. Voguer sur l'Atlantis avec Albator. Devenir aussi fort que Ken Muscler. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi si ces souvenirs sont gravés dans vos cœurs. C'est nos années d'horreur. Alors toi qui es un féru de musique, qu'est-ce que tu penses de ce morceau ? Niveau sonore, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais il n'y a rien que niveau instru, j'ai bien aimé. C'est... Tu sais que la musique derrière, c'est un sample en fait. C'est une reprise d'une des musiques de fond d'Albator 78. Oui, mais le sample est pas mal. Mmh. C'est... Ça passe bien, ça donne un peu un petit côté rap des débuts. Des débuts années 2000, ouais, je bégaye. Des débuts années 2000, ouais, ça donne un petit côté comme ça, c'est bien sympa. Donc ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. Ouais, c'était loin la meilleure musique que je t'ai passée depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça. c'est exactement ça. Un jour, peut-être que tu passeras ce qui est pour moi de la bonne musique. Mais Je ne pense pas parce que ce n'est pas dans la thématique de l'émission, du coup, ce que tu considères comme de la bonne musique. Ça dépend, sauf si tu oses passer des chansons en japonais. Mais... Oui, ça j'ose. Oui, bah, oui, j'ose, bien sûr que j'ose. Ouais, un jour, peut-être que tu passeras le générique de Lost Canvas. Ça, c'est jouable. Ah, on peut le faire. Non, mais pour l'heure, je vais vous passer une autre musique donc, dont les paroles françaises sont signées de Charles Level. Mais la particularité, c'est que bien que passé sur la 5, là, pour le coup, on n'a pas repris une musique japonaise, on a repris le vrai générique japonais. Une musique italienne, tu veux dire ? Non, japonais. Oui, non. Parce que tu as dit on n'a pas repris une musique japonaise. Ah, mais autant pour moi, j'ai fourché. Donc pour une fois, on n'a pas pris une italienne, on a pris une japonaise. Okay, donc on a pris la VO de Anime Senjushi, qui en français est Sous le ciné mousquetaire, donc c'est trop mousquetaire. Hein, et c'est Charles Level qui a fait les paroles françaises donc, de ça. Et ça, c'est le générique de fin, c'est Choisis ton aventure, interprété par notre ami Michel Barouille. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière, sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Vous avez noté que je me suis trompé, que je ne vous ai pas passé la bonne. Ça, c'est le générique de début. Là, ça peut arriver, hein, je suis désolé. Donc, c'est celle-là, celle de fin. Pour être heureux, il faut partir. Aller jusqu'au bout de ses rêves, ses désirs. Il faut quitter le toit de sa maison pour l'horizon. Il faut s'en aller pour ailleurs. Aller voir de l'autre côté si c'est meilleur. Et puis avoir envie de revenir raconter ses souvenirs. Et toi aussi, vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Quand tu seras grand, sans perdre de temps, va où va le vent. Vas-y aussi, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Comme les cavaliers qui te font rêver, va, même si c'est dur, choisis ton aventure. Pour être heureux, il faut savoir aller jusqu'au bout de ses forces, ses espoirs. Et si tu n'as rien que ton vieux cheval, pars et cavale. Quitte ton village ou ta rue, le monde est plein de paysages inconnus. Pour faire de chaque jour un jour nouveau, envole-toi comme les oiseaux. Et toi aussi, vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Quand tu seras grand, sans perdre de temps, va où va le vent. Vas-y aussi, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Comme les cavaliers qui te font rêver, va, même si c'est dur, choisis ton aventure. Chacun son but et son destin, sûr que le tien t'emmènera toujours plus loin. Ne reste pas planté dans ton jardin, suis ton chemin. Va voir les quatre coins du monde, tu reviendras un jour puisque la terre est ronde. Et tu auras des trésors merveilleux dans le cœur et dans les yeux. Et toi aussi, vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Quand tu seras grand, sans perdre de temps, va où va le vent. Vas-y aussi, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Comme les cavaliers qui te font rêver, va, même si c'est dur, choisis ton aventure. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Bon, sur ces entrefaits, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la 500e. Nous partîmes 500 et nous vîmes par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on relance l'annonce. Et on relance l'annonce, donc les chevaliers amérindiens, les 12 maisons, enfin les 13 maisons, machin, en obsidien, en gris. Voilà, d'obsidienne, gris anthracite. Gris anthracite. Et celui qui fait les 13, on lui fait un gâteau au chocolat et des gros bisous. Donc il lui fera un gâteau au chocolat, c'est que c'est lui le cuisinier de Génération Manga. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, c'est pas la star, Figo, et on se quitte donc avec le opening de Soul Ciné Mousquetaire, là, avec toujours notre ami Michel. À ciao, ciao, la semaine prochaine, ouais. Ça démarre quand ça veut. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères.